إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui, بإذن الله تعالى, j'aimerais, comme cela fut énoncé, parler des certains mérites qui ont été attribués aux gens du Yémen. Cela dû au fait que ce pays et ses habitants subissent trop souvent des paroles ou des actes de dénigrement, de diffamation injustifiés et illégitimes, qu'il s'agisse de la part des koufars ou même des muslimines, qui ont trop tendance à les sous-estimer et à les mépriser, et oublier quel était leur rang dans les dates historiques de l'islam, et qu'ils ont des grandes vertus et des grands mérites, et que cela date de bien longtemps dans mon islam, durant l'islam et jusqu'à notre époque. Ces vertus sont trouvées chez les gens de la Sunna au Yémen. Ce n'est pas tous, bien évidemment. Comme vous le savez, au Yémen, il y a des Houthis qui sont des Rawafid qui ne rentrent pas dedans. Parmi eux, il y a des gens de l'innovation, des gens des égarements, des gens qui, malheureusement, eux ne sont pas concernés par ces vertus. Sans quoi, d'autres le sont. Et il s'agit, bien évidemment, des gens de la Sunna qui sont au Yémen. Non. D'abord, savoir pourquoi est-ce que ce pays a été nommé de la sorte, Yémen. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, il a dit lui-même, Summiyat al-Yémen, liyanna an yamin al-Ka'ba, wa Hisham liyanna an yasar al-Ka'ba. Donc le Yémen a été nommé de la sorte car il se trouve à droite de la Ka'ba, car en arabe, Yamin, le mot Yamin ça veut dire droite. Et Yémen vient du mot Yamin. Et le Sham, c'est tout ce qui est la Grande Syrie, la Palestine, Jordanie, ce secteur-là, une partie de l'Irak, a été appelé Sham, qui vient sûrement auprès du mot de Shimal, qui lui veut dire gauche. Donc se trouve à gauche de la Kaaba. Et il fut dit également que cette nomination fut attribuée à cause d'un homme qui s'appelait Ayman ibn Yaqtan, qui était un ancien parmi les Arabes, qui s'est rendu à un endroit et s'y est installé. Et de là, qalat al-Arab, Tayammana Banu Yaqtan Fasumiyat al-Yémen, que leur lieu d'installation de résidence fut appelé le Yémen. Wallahu ta'ala alam. Le Yémen a été cité dans le Coran, ainsi que des gens du Yémen. D'ailleurs, il y a une sourate qui porte le nom d'une région du Yémen, qui est sourate Saba. Et Saba, c'est une région du Yémen. Comme a dit Ta'ala, la kodekana li saba'in fi maskanihim ayah. جنتان عن اليمين أو عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Qu'il y avait certes en Saba, dans ses habitations, un signe, deux jardins, un à la droite et un à la gauche. Mangez donc de la substance de votre Seigneur et remerciez-le. Il s'agit là d'un bon pays et d'un Seigneur pardonneur. Bien sûr, par la suite, le verset dit que ces gens-là ont fini par refusé les bienfaits d'Allah Azawajal, donc ils ont été châtiés pour cela. Également, on y trouve l'histoire de la fameuse reine de Saba, qui a été nommée Bilqis, et cette nomination Bilqis n'a aucun dalil à l'appui. Cela vient des Mufassirin, et en réalité, dans le Wahi, il n'y a rien qui démontre qu'elle s'appelait Bilqis, donc elle l'appelle Malik Saba. Et son histoire avec Suleyman est connue, car elle a fini, qui elle était Mushrika, a fini par embrasser l'islam. قالت ربي إني ظلمت نفسي وصمت مع سليمان لله رب العالمين. Verset 44, sourate Naml, les fourmis. Elle a dit: Oh mon Seigneur, j'étais certes injuste envers moi-même, et je me suis soumise avec Suleyman à Allah, le Seigneur des mondes. Donc elle a gardé par la suite son pouvoir. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, Allah viendra avec un peuple que lui aime et que eux aiment, c'est-à-dire ils aiment Allah. Ils seront doux et modestes envers les croyants et puissants et fiers envers les kuffars, les créants. Et ils combattront sur le sentier d'Allah et ne craindront nul blâme, nul reproche de quiconque. Il s'agit là de la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut et Allah est sage et omniscient. Il a été dit que ce verset a été révélé en fait pour ce qui allait suivre de l'histoire d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu lorsqu'il allait avoir le khalifa, lorsque les gens allaient apostasier de la religion pour ne pas payer la zakat, et que les gens qui allaient le porter secours à combattre ces gens-là, ce sont les gens du Yémen. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية روي عن غياض ابن أشعري الأشعري قال لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم يحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري وكانوا من اليمن. Donc غياض ابن عمرو الأشعري il a dit que ce verset est descendu parce qu'Allah a dit justement dans le sens qu'il allait venir avec un peuple que lui aime et que eux aiment Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il s'agit du peuple de celui-ci, et en indiquant par son doigt vers Abu Musa al-Ash'ari, le peuple de Abu Musa al-Ash'ari qui était yéménite, qui était venu du Yémen. Donc ce verset concerne les gens du Yémen de façon particulière, bien évidemment il concerne maintenant les plus larges que cela, mais la cause de sa descente c'était pour les gens du Yémen. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أدي اختصاص أهل اليمن بهذه المزية العظيمة وهي أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهم عند ارتداد غيره من قبائل العرب. Il s'agit là d'une particularité distincte et immense pour les gens du Yémen, car Allah Azza wa Jalla, lorsque les gens apostasiés parmi les tribus arabes, Allah est venu avec les gens du Yémen pour les remplacer. Et il a dit que cela n'est que pour leur ajouter encore plus de noblesse. Et qui sont, قال, وَأَنَّهُمْ حِزْبَ اللَّهِ. Ils sont le parti d'Allah. عَنَّ خُرُوجَ عَيْلِهِمْ مِنْ هَذَا الدِّينِ وَتَمَكَّنَ الْإِسْلَامِ وَتَمَكَّنَ الْإِسْلَامِ فِي قُلُوبِهِمْ وَعَدَمْ تَزَلْزُلْ أَقْدَامِهِمْ عَنْدَ تَزَلْزُلْ أَقْدَامِ غَيْلِهِمْ. Et cela, du fait qu'ils sont restés fermes sur leur religion, et que l'islam s'est raffermi dans leur cœur au moment où les autres commencent à tressaillir, eux sont restés fermes. Et les Mufassirun et les gens, les historiens ont dit que près de 11 tribus, des tribus des Arabes, ont apostasié alors que les gens du Yémen sont restés fidèles et stables. Et ils ont combattu justement tous ces gens qui ont délaissé l'islam. Donc les Yéménites, ils sont connus pour le grand secours qu'ils ont apporté à l'islam. L'imam al-Tabarani في الكبير عن سلمة ابن نفيل قال وهو مولى ظهره إلى اليمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أجد نفس الرحمن منها هنا qu'il est dit ce sahabi سلمة ابن نفيل qu'il était avec le nabi صلى الله عليه وسلم qui était assis le dos tourné au Yémen, et en indiquant cette direction du Yémen il a dit je trouve le secours du Rahman venant de là, en indiquant le Yémen. Et l'Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, il a dit, justement, par rapport à ce hadith, c'est le fait que Allah Azza wa Jal aime ces gens-là et que ces gens-là aiment le Yémen. Puis c'était le verset qu'on vient de dire à l'instant. Que cela est lié. Le secours a été apporté par les gens du Yémen. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dans son musnad a dit selon Ibn Abbas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhruju min Adan wa Abyan 12,000 yansuluna Allah wa rasulah hum khayrun man bayni wa baynahum, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, qui sortira de Aden Abyen, Aden Abyen, la ville de Aden qui est connue, et Abyen qui est collée à Aden un peu, sortiront 12 000 hommes de là pour secourir Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les meilleurs gens qu'il y aura entre moi et eux. C'est-à-dire dans toutes les époques qui viendront par la suite, ces gens-là sont les meilleurs. Et des ulama disent que ces gens-là sont déjà apparus. Parmi nos mashayikh, certains disent que ces 12 000 sont déjà apparus, car des gens parmi les khawarij ou les dawa'ij, les hommes da'ij, se servent de ce genre de hadith pour justifier leurs actes, ceux qui viennent de Aden, en disant qu'il s'agit d'eux. Mais pas du tout. Ces gens-là sont des gens de la sunna. D'accord ? Et des ulama disent qu'ils sont déjà, ils sont déjà apparus. Cette armée est déjà apparue. Et on voit que, regardez bien, Aden, Abyen, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a nommé que le Yémen était déjà présent, ces villes étaient déjà connues. Par exemple, dans un hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Wallah, il a tamanna Allah, hadha al-amr, hatta yasir al-raqib min san'a ila Hadramaut, la yakhafu illa Allah, aw al-dhib ala ghanami. Qu'il a dit que Allah va certes accomplir son ordre à tel point que le voyageur parcourra de San'a jusqu'à Hadramaut, il n'aura peur que d'Allah ou alors du loup sur ses troupeaux. Directement, les lieux seront sécurisés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nommé comme lieu Sana'a, qui est la capitale du Yémen. Et Hadramaut, qui est la région la plus vaste du Yémen. Elle recouvre à peu près 3/4 du pays. Hadramaut. Alors qu'aujourd'hui, plein de gens parlent de secteurs dans le monde, des villes, des pays, qui n'existaient même pas. Les États-Unis n'existaient même pas à cette époque-là. D'accord ? Tel qu'on les connaît aujourd'hui. Alors ces pays-là étaient déjà là. La civilisation du Moyen-Orient était présente depuis bien longtemps et connue. Qu'il s'agisse de la Palestine, qu'il s'agisse du Hijaz, qu'il s'agisse du Yémen, qu'il s'agisse de Oman, le Bahreïn, tous ces lieux-là étaient déjà connus. Et on leur parle dans l'histoire. Parmi les choses qui prouvent également le secours que les gens du Yémen apportent à l'islam, ce qu'a apporté l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, selon Jabir ibn Abdillah. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني لقومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il faisait sa da'wa au début, il était encore à Mecca, il disait: n'y a-t-il pas une personne pour me mener vers son peuple, car certes Quraysh m'ont empêché de retransmettre la parole de mon Seigneur. فَأَتَهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانٍ فَقَالَ مِنْ مَنْ أَنْتَ قَالَ الرَّجُلُ مِنْ هَمْدَانٍ قَالَ فَهَلْ عِنْدَكُمِكْ مِنْ مَنْعَهُ أو مِنْ مَنْعَهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ أَنْ يَحْكِرَهُ أَوْ يَخْفِرَهُ قَوْمُهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتِكُمْ أَوْ آتِهِمْ فاخبرهم ثم آتك من عام قابل. قال نعم فانطلق وجاء ووفد الأنصار في رجب. Donc un homme lui a répondu, un homme qui vient de Hamdan. Hamdan, c'est un agent du Yémen. Et d'ailleurs, Cheikh Mourbil, rahmahullah ta'ala, est originaire, ses origines reviennent de là. Donc un homme de Hamdan a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu auprès de lui, et le prophète l'a interrogé: d'où es-tu? Il a dit de Hamdan. Il a dit: est-ce que ton peuple sera en mesure de me protéger? Il a dit oui. Après l'homme a réfléchi un instant, et il a eu peur que finalement son peuple ne soit pas loyal à l'engagement, ou alors qu'il le rejette, c'est-à-dire qu'il rejette cet homme lorsqu'il viendra leur annoncer la chose. Donc il lui a dit: laisse-moi un temps, je vais les voir, je les informe, et après je reviens te voir. L'année prochaine. Car c'était loin, il fallait faire un parcours. Et de là, le Nabi sallam a accepté. Donc l'homme est parti, et il est revenu au mois de Rajab. Avec qui? Avec une délégation des Ansar. Des Ansar, car les Ansar, leurs origines remontent au Yémen. Les premiers habitants d'Al-Médina, leurs origines remontent au Yémen. Et cet homme est parti justement avertir son peuple, qui était les Ansar. Naam. Donc on voit que le secours des gens du Yémen est là depuis longtemps. Le peuple yéménite est également apparenté à Ismaïl, alayhi salat wa salam. Comme dans un hadith rapporté par al-Bukhari, selon Salama ibn al-Aqwa, radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti et passé auprès d'un peuple qui tirait des flèches et leur a dit « Irmu bani Ismail, fayna abakum kana ramiyan, irmu wana ma bani fulan. » Donc, et ces gens-là étaient des Yéménites. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Tirez au fils d'Ismaïl. » Tirez au fils d'Ismaïl, car certes votre père était un grand tireur. Tirez, et moi je suis avec le fils d'un tel, les Bani Fulan. Donc là, ils n'ont pas tiré. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, pourquoi ne tirez-vous pas? Malakum la tarmoun. Qalu kayfa narmi wa anta ma'ahum. Comment va-t-on tirer alors que tu es avec eux? Il a dit, urmu fa ana ma'akum kullikum. Tirez, car je suis avec vous tous. Vous, les gens du Yémen, et les autres, les Bani Fulan, qui n'ont pas été nommés dans le hadith. Donc il a dit, Fa'inna abakum, votre père, car les grands-pères sont des pères. Le grand-père a un statut de père. Non, même si c'est un grand-père qui remonte de loin. Parmi les fada'il, ou mumayyizat min ahl al-Yémen, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qui les distinguent des autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith rapporté par Thoban chez l'imam muslim, Inni labi'ukri haudi azoud al-nas li ahli al-Yémen adrib bi'asaya hatta yaraffad alayhim. Il a dit quoi? Je serai présent auprès de mon bassin. Le bassin qui a avant le passage sur le pont, après la mort. Le bassin du Nabi Sassam qui est connu, dont les gobelets sont aussi nombreux que les étoiles, et dont la blancheur est comme celle du lait, et dont la saveur est comme celle du miel, et qu'il est luisant comme l'argent. Il a dit quoi? Je serai là placé à mon bassin, et je pousserai les gens afin de laisser passer les gens du Yémen en premier. Avec mon bâton, je vais repousser les gens afin de donner priorité aux gens du Yémen, pour qu'ils boivent du bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Hadi bouchra azim ali ahli al-Yémen. Le vent qui viendra à la fin des temps, aux prémices de l'heure, qui viendra pour prendre les âmes des croyants, sera un vent qui vient du Yémen. Comme a dit dans le hadith d'Abi Hurayra, radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن علي من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته. Il a dit quoi? Que Allah Azzawajal va envoyer un vent venant du Yémen, plus doux que la soie. Il ne laissera personne lire dans son cœur le grain d'un atome d'Yémen sans qu'il ne le prenne, il ne prenne son âme. Et cela c'est quand? Avant que l'heure n'arrive, juste au commis de l'heure. Car l'heure n'aura lieu que sur les gens mauvais sur terre. L'heure n'aura lieu que sur les gens mauvais sur terre. Et l'autorité leur reviendra un jour. Car ils l'ont obtenu, ils l'avaient déjà auparavant. Les gens du Yémen ont eu le pouvoir sur terre. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَارُ فَنَزَعْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنُهُمْ فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشِ وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ. Qu'il a dit que l'autorité auparavant était chez Himyar. Himyar, c'est parmi les gens du Yémen. Et que Allah leur a retiré cette autorité, ce pouvoir. Et qu'après, il a mis chez qui? Chez Quraysh. Il a dit, pourtant, ce pouvoir va leur revenir. C'est-à-dire que les gens du Yémen vont retrouver autorité sur terre. À un moment. À quel moment, je ne sais pas. Cela n'a pas été précisé. Wa kadhalik, hadha mu'ayyad bi hadith akhar an Abi Hurayra. Un autre hadith le confirme. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la takum sa'a hatta yakhruja rajulun min qahtan yasuq an-nas bi 'asahu. Il a dit que l'heure ne se lèvera pas, n'aura pas lieu, tant que ne sortira pas un homme de Qahtan. Qahtan, c'est l'homme d'origine des Arabes. Ils sont des gens du Yémen. C'est-à-dire qu'un homme du Yémen va diriger les gens avec son bâton. C'est-à-dire qu'il va les diriger à la même manière qu'un berger guide un troupeau. C'est-à-dire qu'il aura pouvoir sur eux, autorité sur eux, et les dirigera. Donc l'autorité leur reviendra à un moment. Et cela selon la prophétie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hadiths-là sont tous authentiques. Car j'ai oublié de préciser au début, c'est vrai, astaghfirullah, à la base, ce regroupement de hadith de Adillah, je l'ai pris d'une risala écrite par le frère Abu Bashir al-Hajouri, qui était tué de Madj lors de la 6e guerre par les Rawafid. Il a fait cette risala qui réunissait plein d'Adillah pour montrer les mérites des gens du Yémen. Sauf que j'ai changé l'ordre que lui a fait, déjà pour la résumer, et pour le rendre plus clair, car beaucoup de hadiths se répètent, et en cherchant quelques explications dans les shuruhat des ulama. Naam. J'ai oublié de le dire au début. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les distinctions accordées aux gens du Yémen, il a fait le sujet des choukr pour leur islam. Al-Bara ibn Azib a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Khalid ibn Walid en tant qu'émissaire au Yémen pour les appeler à l'islam. Ils étaient encore des gens du livre. Il est resté 6 mois auprès d'eux sans que personne ne lui réponde favorablement. Il est revenu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après Khalid, a envoyé Ali ibn Abi Talib. Une fois que Ali est arrivé là-bas, il a fait salat al-Fajr. Et il a lu le message envoyé du Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux gens de Hamdan. Car l'homme de Hamdan tout à l'heure qui a promis au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de le protéger était à Médine, il n'était plus à Hamdan. Il venait de Hamdan, mais il n'était plus à Hamdan. Là maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait des gens à Hamdan, au Yémen directement. Et lorsque Ali est venu, il a fait la salat du Fajr, et il a lu le message du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui leur est envoyé, ils se sont tous convertis en un seul jour. Enfin, lorsque Ali a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de cela, « فَلَمَّا قَرَى كِتَابَهُ كَبَّرَ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدَ » السلام على حمدان السلام على حمدان السلام على حمدان فتتابع أهل اليمن على الإسلام. Donc lorsque la lettre de Ali parvenue au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le takbir de joie. Il était assis, puis s'est prosterné. Une prosternation de remerciement. Et il a dit la paix sur Hamdan, la paix sur Hamdan, la paix sur Hamdan 3 fois. Et de là, les gens du Yémen ont tous suivi. Et après cela, il a envoyé Mu'az et Abu Musa al-Ash'ari au Yémen pour enseigner aux gens. Parmi les gens, les vertus des gens du Yémen, il y a ceux qui ont fait 2 hijras, comme cela fut rapporté de Abu Musa al-Ash'ari, qui était sorti justement du Yémen lorsqu'il a entendu parler du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui et des hommes de son peuple. Ils étaient à peu près 50. Ils sont partis où? En bateau? En Abyssinie, au Habasha, chez Najashi, le Négus, en Éthiopie, là où Ja'far et les autres premiers Muhajirin étaient déjà partis. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé Ja'far, qui lui, Ja'far, se préparait à partir pour aller à Médina. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait émigré de Mecca pour aller à Médina. Donc, ces gens-là sont arrivés à Habasha, puis sont partis avec Ja'far pour arriver à Médina. Et ils sont arrivés à Médina après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait fait la bataille de Khaybar contre les Yahoud. Et il leur a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ces gens-là, à Abu Moussa et ses hommes, « Lakum antum ya ahl as-safina hijratan » « Oh vous les gens du bateau, vous avez 2 hijras. » 2 hijras. Celle qui est comptée vers Al-Habasha et celle vers moi. Et ce qui est de plus surprenant, c'est que Abu Moussa radiyallahu anhu qala qadimna ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'd an iftataha khaybar fa qasama lana wa lam yaqsim li ahadin lam yashhad al-fath ghayrana. Il a dit quoi? Abu Moussa, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont arrivés après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait fait la bataille de Khaybar contre les Juifs et qu'il ait emporté. Et que lorsque eux sont arrivés, il leur a donné une part du butin. Et il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a donné aucune part à qui que ce soit hormis à nous, parmi les gens qui n'ont pas participé à la bataille, car eux sont arrivés après. Ils ont eu le privilège de recevoir une part du butin, alors qu'ils n'ont pas participé à la bataille. Ils sont arrivés après. Et tous ceux qui sont arrivés, en même temps qu'eux ou après eux, n'ont eu aucune part, sauf eux, ces gens-là, qui étaient les gens du Yémen. Kazalik, ils ont accepté la bonne nouvelle venant du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, gens du Yémen. عبد الحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما que les gens de Bani Tamim sont venus auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala lahum ya Bani Tamim abshiru oh fils de Tamim réjouissez-vous prenez la bonne nouvelle qalu bashartana fa'atina ils ont dit tu nous as déjà fait la bonne nouvelle donc donne-nous de l'argent donne-nous des biens fataghayyara wajhuhu là son visage a changé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم Il a dit quoi lorsque les gens du Yémen sont venus Il leur a dit oh vous gens du Yémen acceptez la bonne nouvelle si les بنو تميم n'acceptent pas قالوا قبلنا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدأ الخلق والعرش Et de là ils ont dit nous acceptons cette bonne nouvelle Et là ils s'est mis à leur raconter l'histoire de la création l'histoire du trône Les gens du Yémen ont un désir ardent d'apprendre leur religion. Comme cela fut rapporté par les musulmans, rahimahullah ta'ala, an Thabit wa an Anas, radiyallahu anhuma. An ahl al-Yaman qadimu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, faqalu ba'ath ma'ana rajulan yu'allimuna as-sunnah wal-islam. Qala fa akhadha bi yadi Abi Ubaidah faqala hadha amin hadhihi al-ummah. Quand les gens du Yémen sont venus auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ils ont dit, envoie-nous un homme pour nous enseigner la sunna à l'islam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de Ubaidah, ou Abu Ubaidah, et il leur a dit, celui-ci est l'homme de confiance de la communauté, pour qu'il leur enseigne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé parmi les meilleurs hommes pour enseigner aux gens du Yémen. Khalid, Ali, Abu Ubaidah, Mu'az, et Abu Moussa, qui lui-même était yémite à la base. Kadhalik, An-Jabir, أن رجلا قدما من جيشان وجيشان من اليمن أن نبي جيشان est venu auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم et جيشان c'est une partie du Yémen il l'interrogeait à propos d'une boisson qui était bu chez eux من ذرة ذرة c'est le maïs يقول له المزر une boisson qu'on appelle le مزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو est-ce que c'est une boisson qui est enivrante قال نعم il a dit oui قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من تين أو من تينة الخبال قالوا يا رسول الله وما تينة الخبال قال غرق أهل النار أو عصارة أهل النار il a dit que Allah a pris l'engagement de faire boire à toute personne qui aura mis de l'alcool en ce bas monde, des choses enivrantes, de lui faire boire yom al-qiyama du tinat al-khabal. Et les gens demandaient, c'est quoi tinat al-khabal ? Il a dit, c'est la sueur des gens du feu ou alors le pu des gens du feu. Là, le shahid, c'est que les gens du Yémen venaient interroger et envoyer des gens pour recevoir l'enseignement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué en leur faveur aux gens du Yémen عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا قالوا وفي نهجنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا قالوا وفي نهجنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال او الله مل بركة Dans notre Chem, le Chem, on le dit, c'est la Grande Syrie, Jordanie, Palestine, Wakaza, c'est ce secteur-là, qui a beaucoup de vertus également. Beaucoup de hadiths sont venus pour mettre la baraka qui s'y trouve. Il a dit, donc, de mettre la baraka dans le Chem et au Yémen. Et les gens ont dit, et au Najd. Et après, le Nabi Sallam a répété, « Oh Allah, mets la baraka au Chem et au Yémen. » Et les gens ont dit, « Et au Najd. » Et là, le Nabi Sallam l'a dit, de là, c'est-à-dire en parlant du Najd, c'est de là que viennent les séismes et les troubles, et de là se lève la corde de Shaitan. Maintenant, le Najd qui est cité ici n'est pas le Najd que des gens ont voulu croire et dont se sert de ce hadith-là pour diffamer le secteur de l'Arabie Saoudite. Le Najd, à la base, chez les Arabes, c'est la partie haute et est d'un lieu. Et à ce moment-là, Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était al-Medina. Et le Najd d'al-Medina, le Mashrik d'al-Medina, c'était l'Irak. C'était l'Irak. Ou plutôt une partie de l'Irak. Pas toute l'Irak. Car des gens comme les Rawafid, les Shia et d'autres prennent ce hadith pour dire que l'Arabie Saoudite c'est un lieu qui est maudit. Ils n'ont pas compris le sens du Najd à ce moment-là. Donc voilà cette explication que les savants ils ont donnée. Et les savants qui ont fait cette explication-là ne sont pas saoudiens pour dire qu'ils défendent l'Arabie Saoudite. Ce sont des anciens comme Al-Hafiz, Ibn Hajar, Asqalani, qui était égyptien. Ce n'est pas un saoudien. Et d'autres ulama qui expliquent que le mot Najd, c'est ça qu'il veut dire par là. Aussi, dans le Hajj, Ibn Omar a décrit que les gens du Yémen ressemblaient au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il les a vus, il était avec le père de Ishaq ibn Sa'id. Ils ont vu des gens passer du Yémen venir avec des selles en cuir et, on va dire, des cordes en guise de règne pour tenir leurs chameaux. Et Abdullah ibn Omar, il a dit « Man ahabba yanzura ila ashbah rufqatin waradat al-hajj al-am » bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi izaqadibu fi hajjat al-wada' fa yanzul li hadi rufqa. Il a dit, c'est d'entre vous qui voudrez voir le groupe qui ressemble le plus au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons lorsqu'ils ont fait le hajj d'adieu, qui regarde ces gens-là. C'est qui les gens du Yémen à ce moment-là? Les gens du Yémen également, parmi des choses que beaucoup ignorent, ils sont les premiers à avoir instauré la poignée de main, le serrage de main lors de la salutation. Comme l'a rapporté Abu Daoud, l'imam Ahmed, l'imam Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. قال لما جاء أهل اليمن, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد جاءكم أهل اليمن, وهم أول من جاء بالمصافحة. Il a dit, le Nabi sallam, où sont venus les gens du Yémen, et ils sont les premiers à avoir instauré la poignée de main. Combien savent cela? Très peu le savent. Et attention, on précise, la poignée de main, c'est le fait qu'une main en prenne une autre. Quant au mouvement de descente et de montée, quand on secoue la main, ça ne vient pas des gens du Yémen, ça vient des gens du livre. Le Shaykh a fait le tambi par rapport à ça. Quand le tahriq عند المصافحة, هذا ليس من أهل اليمن, هذا من أهل الكتاب. D'ailleurs, le Shaykh conseille de ne pas le faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup d'éloges au sujet des gens du Yémen. قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب وهم خير من من في الأرض. Il a dit quoi, le Nabi صلى الله عليه وسلم, alors que c'est sur une route qui est à Mecca, il a dit, les gens du Yémen vous sont apparus, ils sont comme les nuages, ils sont les meilleurs gens qu'il y a sur terre. وهم خير من في الأرض, ils sont les meilleurs gens qui sont sur terre. Et un homme de Ansar, il a dit, et nous également, il s'est tu. Et le Ansari a répété, le Nabi Sallam, il s'est tu. Le Ansari a répété, et nous, et après la vie d'une voix basse, et vous également. C'est-à-dire en dehors de vous. En dehors de vous. Et le fait qu'il a dit qu'ils sont les meilleurs gens de sur terre ne veut pas dire que d'autres gens ne sont pas aussi également parmi les meilleurs. Il n'a pas dit qu'il n'y a que eux. Il a dit, eux sont les meilleurs sur terre. Il y a d'autres gens parmi eux, comme les Muhajirin, comme les Ansar, et comme d'autres parmi les Sahaba qui étaient pays milites, qui rentrent dedans. Mais là, il a particularisé les gens de ce pays-là. Kazalik, qala an Abi Huraira, ja'a ahlul Yaman, hum araqu af'ilatan, wa ad'afu kuluban, al-iman yamani, wal-fiqh yamani, wal-hikmatu yamaniya, wa fi riwaya, al-sakina yamaniya. Le fameux hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les gens du Yémen vous sont venus, et ils sont les cœurs les plus doux, les plus délicats, que la foi est yéménite, et que le fiqh, la compréhension est yéménite, et que la sagesse est yéménite. Et dans une version, il a dit que la douceur, la sakina, ou la paisibilité est yéménite. Ibn Hajar, Rahmanallahu ta'ala, a dit que cela concerne toute personne apparentée au pays, soit par résidence, c'est-à-dire qu'il y vit, quelqu'un qui vit au Yémen, ou soit par lien tribal, c'est-à-dire qu'il vient du Yémen à la base. Mais que les résidents, et Arni, cela concerne plus les résidents, qui a été constaté que les gens qui vivent au Yémen, telle était leur caractéristique. Tout comme il fut rapporté, selon Ibn Abbas, par l'imam Ibn Hibban, Rahmanallahu ta'ala, qu'il a dit, Ibn Abbas, alors que nous étions avec le Nabi, alayhi salatu wa salam, al-Medina, il a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja'a nasrullahi wa ja'a al-fath wa ja'a al-yaman. Qawmun naqiyatun qulubuhum. Al-iman yamanin wal-fiqh yamanin wal-hikmatu yamaniya. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, deux fois. Il a dit, le secours d'Allah est venu, et la victoire est venue, et les gens du Yémen sont venus, un peuple au cœur pur et doux, et de douce nature. La foi est yéménite, et le fiqh est yéméni, et yéménite, et la sagesse est yéménia. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement qu'il était d'eux, et qu'eux étaient de lui. Hina qala inna al-ash'ariyin. إذا أرملوا في العزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بسوية فهم مني وأنا منهم. Il a dit que les gens de l'Ash'aliyoun, qui sont du Yémen, lorsqu'ils n'ont plus de nourriture lors des batailles, ou alors que la nourriture de leur famille se réduit, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent tout ce qu'ils ont comme nourriture entre eux, dans un seul vêtement, puis ils le partagent entre eux, de façon égale, équitable. Donc, ils sont de moi et je suis d'eux. Ils sont de moi et je suis d'eux. Ils ont été également, parmi eux, particularisés pour la beauté de leur voix, lors de leur lecture du Coran, la nuit. Toujours sur l'Abu Moussa al-Ash'ari, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Inni la'adifu aswat rufkatil ash'ariyin bil Coran hina yadkhulun bil layl » وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes, je reconnais les voix des Ash'ariyin lorsqu'ils lisent le Coran la nuit. Et de là, je connais leur maison la nuit par leur voix. Alors qu'à la base, je ne les connais pas dans la journée. C'est-à-dire par leur voix, tellement leur voix était belle, et tout particulièrement Abu Moussa, comme cela va venir, bizna ta'ala. Ils ont également un bon artisanat dans la fabrication. Dans les choses qu'ils... Khalid ibn Walid, lors de la bataille de Mouta, contre les Romains, c'était plus de 300 000. Alors que eux, les Sahaba, n'étaient qu'une poignée, 3 000 aux environs. Il a dit quoi? Khalid, qu'il a cassé plus de 9 épées. فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَنِيَّةٌ. La seule qui a tenu à la fin, c'est une épée yéménite. Toutes les autres, elles sont cassées. Et la dernière qu'il a eue, c'est une épée yéménite qui a tenu jusqu'à la fin du combat. Et l'imam Bukhari a rapporté, selon Anas, que le vêtement le plus aimé auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il yalbisuha, al-hibara. On appelle al-hibara. C'est un vêtement qui vient des gens du Yémen. Et il était vert. D'accord, il était vert. Aujourd'hui, ça ne se porte plus. J'ai regardé sur le net à quoi ça ressemblait. On dirait un peu comme un kamis assez large. Et en même temps, une djoubba, c'est-à-dire ça fait comme un manteau, kamis-manteau un peu. Et il fut embaumé justement dans un linceul funéraire composé de trois vêtements yéménites, comme l'a rapporté Aïcha, radiallahu anha. Anna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, كفنا في ثلاثة أثواب يمنية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. Qu'il a été justement embaumé en trois vêtements yéménites, en trois vêtements yéménites blancs. Sohulia, c'est une matière par une substance par laquelle on blanchit les vêtements. Et le kursuf, c'est du coton. Et qui ne portait pas de kamis ni de imama, parce qu'il était enterré. J'aimerais citer maintenant, après que nous ayons lu ces hadiths qui montrent la vertu de ces gens-là, citer les sahaba parmi ceux qui étaient connus, les gens du Yémen. L'auteur, dans la risala que j'ai reprise, en citait près d'une soixantaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait que 60. Soixantaine qui ont été cités dans les livres. Les sahaba étaient très nombreux, il y en avait d'autres. Et parmi ces 60, j'ai choisi ceux qui sont les plus connus, dont Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est de douce. Abu Huraira, qui était connu, pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua. Qala, Allahumma habib ubaydaka hadha, wa ummahu ila ibadaka al-mu'minin, wa habib ilayhim al-mu'minin. Il a fait un dua, il a dit, oh Allah, fais que ton serviteur soit aimé ainsi que sa mère auprès des croyants. Et fais-le aimer ainsi que sa mère les croyants. Et Abu Huraira, il a dit: فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَيْ يَرَانِ إِلَّا أَحَبَّنِي. Il dit après cela qu'il n'y a pas eu un croyant qui n'a entendu parler de moi ou qui m'ait vu sans qu'il m'ait aimé. Et ça, c'est parmi justement. Et c'est pas des gens de la Sunna, ils aiment Abu Huraira. Ils aiment le Sahaba. Et Abu Huraira était connu pour étant le Ahfaz des Sahaba, celui qui a mémorisé le plus de hadiths en une courte durée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les Sahaba qui étaient connus, il y avait également Huzaifa ibn al-Yaman et son père. Huzaifa était surnommé Sahib Sir Rasulillah, celui qui avait le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il avait donné le nom des Munafiqin d'Al-Madina d'après sa mort. Et personne ne les connaissait à part lui. Et son père, al-Yaman, a été tué accidentellement par les musulmans dans la bataille de Uhud. Malgré cela, Huzaifa leur a pardonné à tous. Il y a Zayd ibn Haritha et son père Usama. D'ailleurs, l'imam Bukhari a rapporté de Omar qu'il disait que Zayd ibn Haritha, tout le monde l'appelait à l'époque Zayd ibn Muhammad, Zayd fils de Muhammad, tellement il était proche de lui. Il sait que le Coran descend le verset Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, et appelez-le par le nom de leur père, cela est plus juste auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus appeler un enfant jugé comme adoptif en l'apparenté à son père adoptif. Non, on l'adopte à son père, on l'apparente à son père biologique. Et Zayd est le seul sahabi dont le nom a été textuellement nommé dans le Coran. Qala al-'azza wa jall, falamma qada Zaydun minha watara zawajnakaha likay la yakuna lil mu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara wa kana amru Allah maf'ula. Et puis, lorsque Zayd eut cessé toute relation avec elle, c'est-à-dire Zaynab, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Surat al-Ahzab est coalisé verset 37. Le seul sahabi nommé par son prénom dans le Coran, c'était Zayd, qui était yéménite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit: وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبَّ النَّاسِ لَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبَّ النَّاسِ لَيَّ بَعْدَهُ. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son Zayd, qu'il est parmi l'homme le plus aimé auprès de moi et son père également. Et les gens, les sahaba l'appelaient حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ وَإِبْنِ حِبِّهِ. Il l'appelait le grand aimé du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le fils de son grand aimé. Il y avait parmi ces sahaba également Abu Moussa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari, celui dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Aba Moussa laqad utita mizmaran min mazamir al-Daoud, par sa belle voix que tu as reçu un instrument parmi les instruments de la famille de Daoud. Et quand on dit instrument là, c'est pas un instrument de musique, c'est une belle voix qu'il avait par rapport au Coran qu'il récitait. Il y avait Uwais al-Qarni, qui lui n'était pas un sahabi, c'était un tabi'i. D'accord? Il n'a pas rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Mais il a rencontré les Sahaba. Malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé à son sujet. Il a dit: Inna rajulan ya'tikum min al-Yaman yuqal lahu Uwais la yad'u aw la yad'u bil Yaman ghayra ummin lah qad kana bihi biyadun fad'a Allah fadhhabu anhu ila mawdi' ad-dinar aw dirham faman laqiya minkum falyastaghfir lakum. Qui est un homme du Yémen qui s'appelle Uwais, qui n'a rien laissé derrière lui au Yémen à part une mère, sa mère, envers qui il était très bienfaisant. Il avait auparavant, ce Uwais, une maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle, des parties blanches sur la peau. Il a fait dua, et Allah l'a guéri. Toute cette partie blanche est partie, hormis un endroit, la taille d'une pièce. Il a dit: si jamais vous le rencontrez, demandez-lui qu'il demande pardon pour vous. Allah, car ses invocations étaient exaucées. Il avait également Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, parmi les sept premiers à avoir fait apparaître l'islam à Mecca, et sa mère, Soumeya, radiallahu anha, et la première martyre de l'islam, qui elle a été tuée par Abu Jahl. Ces gens-là étaient parmi les gens du Yémen. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos de Ammar: Ma khuyira Ammarun bayna al-amrayn illa ikhtara arshaduhuma. Que Ammar n'a pas le choix entre deux choses sans qu'il ait choisi la meilleure. Également son père. D'accord? Son père également. Ils sont parmi les premiers à être en islam, ces gens-là. Ils étaient des gens du Yémen. Il y a Jarir ibn Abdillah. Il y a Kazalik al-Bagdad ibn Amr al-Kindi, qui est connu par al-Bagdad ibn Aswad. Il y a al-Ala al-Hadrami et bien d'autres. Bien d'autres. Et on va finir en citant certains parmi les ulama des gens du Yémen. L'auteur en a cité plus de 80. Très nombreux. Cependant, on va citer que quelques-uns parmi les plus connus. En prenant la Risala directement, il y a parmi eux, par exemple, Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai, qui est un tabi'i parmi les ashabs d'Ibn Abbas, ou d'Ibn Mas'ud plutôt. Il y avait Abu Qilaba, Abu Abdillah, il y a également l'imam al-Awza'i, qui s'appelle Abu Amr, Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, très connu, parmi les grands savants du Yémen. Il y a également l'imam Abdul Razak ibn Hammam al-San'ani. Il y a l'imam Mohamed ibn Ismail al-Amir al-San'ani. Il y a l'imam Ma'mar ibn Rachid. Il y a l'imam Hammam ibn Munabbih. Il y a l'imam Wahb ibn Munabbih. Il y a كذلك le grand imam, imam Dar al-Hijra, l'imam Malik. L'imam Malik était yéminite de Himyar. Il y a l'imam Mohamed ibn Ibrahim al-Wazir, l'imam Mohamed ibn Ali al-Shoukani, très connu. Vous avez l'imam Abdurrahman al-Muallimi. Il y a Irqima ibn Qais al-Nakhai. Et à cette époque, il y a bien évidemment le très connu imam al-Wadi'i, Mokbil ibn Hadi al-Wadi'i, qui est le fondateur du centre connu de Damaj, et qui est parmi les plus grands imams de cette époque. D'ailleurs, et parmi les Moujaddidines, les revivificateurs de la Sunna, depuis son époque, jusqu'à bien avant, c'était le Rafd et le Tashayyur qui dominaient au Yémen. Et lui, il est parmi ceux qui ont revivifié le Yémen vers la Sunna. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas un homme qui monte sur le minbar, faire da'wah et citer les livres de référence, qu'ils soient salafi ou même hizbi, apparentés à la salafiyya, sans qu'il soit parmi les toulabs de Chamourbil ou parmi les toulabs des toulabs de Chamourbil. Les salafis au Yémen se connaissent tous. Il n'y a pas de majhoul. Tu trouveras toujours, si tu entends parler de nom de quelqu'un au Yémen, en te renseignant auprès des gens du Yémen, tu sauras toujours qui il est. Ici, la distinction, elle est claire dans ce pays. Et également parmi les ulama que j'ai cités, bien sûr, notre grand cher Yahya ibn Ali al-Hajouri, Hafizallahu ta'ala, qui est le plus grand élève de Chamourbil, comme lui-même l'a déclaré, qui était l'homme le plus savant après lui. Donc, il a fait succéder sur sa chaise à Damaj. Et c'est à d'autres ulama parmi les ulama du Yémen, parmi certains d'eux qui ont dévié, et d'autres qui sont restés toujours sur la sunna. Et depuis, d'autres sont venus encore également. La relève ne cesse pas, ne s'interrompt pas. Aujourd'hui encore, des nouveaux machaires sont présents. Des gens qui n'ont pas forcément connu Cheikh Mokbil, mais qui connaissent son élève, Cheikh Yahya al-Hajouri. Vous ne saurez trouver un pays avec une da'wah aussi distincte que celle du Yémen. Une da'wah aussi claire, aussi pure, aussi forte et aussi libre. Dans quel pays aujourd'hui vous allez voir des messagides accueillir des gens venir du monde entier sans leur demander quoi que ce soit, ni papier, dans le sens que tu ne t'inscris pas en mettant des photos, ni diplôme, ni autorisation de l'ambassade, ni distinction d'âge, ni de genre, ni de rien du tout. On te demande de venir, d'être salafi, de bon comportement et de vouloir apprendre. Tu es accueilli ici, les célibataires dans le masjid. Ils sont nourris et logés au masjid. Tous les repas leur sont distribués. Les mariés, eux, se débrouillent par eux-mêmes. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais la distinction qu'il y a, les gens sont venus pourquoi? Pour apprendre. Ces marakis s'appellent à venir auprès d'eux pour apprendre. Pour pouvoir te renforcer dans la religion. Et la retransmettre aux autres par la suite. Sans rien demander en échange. Comme était la voix des NBA. Sans rien demander en échange, si ce n'est de faire l'ijtihad et de bien se comporter. Je me rappelle encore d'une époque, à l'époque où on était encore à Damaj, une anecdote. Cheikh Yahya avait pour habitude, après la Asr, de faire le Sahih al-Bukhari. Et il faisait réciter le hadith du jour à tout le monde en général. Et des fois, il faisait par pays. Et un jour, il a dit Al-Hadith عند الفرنسيين. Aujourd'hui, c'est les Français qui ont dit le hadith. On était à peu près une centaine de frères de France à l'époque. Très nombreux. J'étais encore nouveau dans le centre. Ana uqsim billah. Lam yaqum dhalika al-yawm li yakra al-hadith ila mumkin 3 ou 4 min al-ikhwa. Seulement 3 ou 4 frères sont levés pour laisser le hadith. 3 ou 4 parmi une centaine de frères. Un hadith qui était court. Le cheikh s'est mis en colère. Il a dit qu'il va voir tous les frères de France dans la salle d'invité après le ders, en colère. Nous sommes venus par la suite. Plutôt beaucoup d'entre nous sont venus, d'autres ne sont pas venus. Quand il est arrivé, il s'est mis dans la salle et il a commencé à parler gentiment, doucement. Wallah, on pensait qu'il allait crier sur nous. Et pourtant, non. Il nous a dit, les frères de France, vous êtes en retard sur les autres. Vous venez de très très loin. Beaucoup d'entre vous ne parlent pas la langue arabe. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour Talab al-Ilm. Donc faites ce pourquoi vous êtes venu ici. Ne perdez pas votre temps. Faites l'ijtihad, chacun en fonction de son niveau. Il a dit, franchement, n'importe lequel d'entre vous qui soit un ders, même privé pour lui tout seul, qui me le dise, lorsqu'il son nom, je trouve un professeur en privé, il lui fait un ders. Moi, je demande juste une chose, les frères. Étudiez avec sérieux. Étudiez avec sérieux. Il ne demandait rien d'autre que cela. Et malgré cette occasion qu'il a donnée aux frères, très peu d'entre eux ont inscrit leur nom et ont fait des douloureuses par la suite en privé. C'est-à-dire, ils tendent les bras, mais beaucoup de frères étaient ingrats, malades du cœur, avec des mauvaises pensées ou des mauvaises intentions. Et vous l'avez vu après, combien sont venus au Yémen, regardez bien combien sont venus au Yémen, qui ont étudié un minimum, mais combien aujourd'hui font quelque chose? Très peu. Très peu, malheureusement, étaient mouafakoun. Et beaucoup ont été pris par la fitna. Beaucoup. Et le chil était vraiment, vraiment, affligé par rapport à cela. Donc au Yémen, vous allez voir que les gens se déplacent maintenant librement. Bien, plein de groupes de da'wah sortent. Pas comme l'établir 3 jours ou quoi. Ils sortent quand ils veulent, où ils veulent, dans le Yémen. Ils font le tour du pays, ça, dans les masajids, font des conférences, font des kalimettes, ils appellent les gens. Ils parlent où ils veulent. Tant que la personne du masjid les laisse parler, ils parlent où ils veulent. Nul besoin d'avoir une autorisation du pays ou quoi. Sur leur chaise, ils disent ce qu'ils ont à dire. Dans quel pays vous avez trouvé ça aujourd'hui? Nulle part. Dans les khutab de Jumu'ah, ils disent ce qu'ils veulent. L'inqal de Montial, ils vont le faire pleinement. Et ils vont conseiller. Et ils vont conseiller à l'Oumma. Sans censure. Nulle part vous avez trouvé cela. Des doulous en continu après chaque salawat. Les toulèves sont en masse assis devant eux. Ils écoutent. Et des doulous khas entre les salawat sont donnés. Car les machères ne peuvent pas donner de doulous dans tous les domaines. Donc il y a l'entraide qui se fait. L'entraide avec les autres toulèves. Toi, tu es américain, donne des cours d'arabe aux américains. Toi, tu es français, donne aux français. Toi, tu es de tel, tu es de Aden, aide les nouveaux frères de Aden dans tel et tel domaine. Chacun à son niveau. Et la da'wah, elle avance comme ça par le ta'awun, de l'entraide. Et chez les femmes, c'est pareil. Donc cette liberté, vous pouvez aller partout dans le monde, vous ne la trouvez nulle part sinon au Yémen. C'est une réalité. Cette baraka, elle est présente jusqu'à ce jour. Sans compter ce qu'on voit chez les gens à côté, bien évidemment. Au Yémen, il y a des choses qui sont mauvaises. Hein? Le mal existe. Actuellement, il y a des conflits dans le nord du pays avec les Rawafids. Non, il y a des Hizbiyas au Yémen. La Hizbiyas, elle est nombreuse. Tant la Hizbiyas politique, avec tous les partis qui existent, ou la Hizbiyas, Mourallafa, comme disait Chamoukbul, qui était caché sur le couvert de Salafiyah. Il y en a plein. Mais on les connaît tous. Dès que quelqu'un vient et a une apparence Salafi, on s'interroge à son sujet, le soir même, on sait qui il est. Contrairement à d'autres pays, tu ne sais pas qui est qui. Car tout le monde se mélange et il n'y a plus vraiment de conseils pour la Oumma en disant attention à lui et un tel, attention à celui-là. Les éloges ici sont faites pour des gens précis, connus. Leur parcours est connu, leurs marchés sont connus, leurs fréquentations sont connues. Et malgré cela, dans la dunya, bien évidemment, vous allez voir des choses déplaisantes. D'accord? Le pays, ce n'est pas un pays riche. Mais peut-être que cette pauvreté a été une cause pour les préserver, justement. On a vu comment la richesse est emparée des pays du Golfe, comme ils ont changé, ils sont devenus. Il se peut que Allah Azawajal ait voulu un bien pour le Yémen en le préservant par cette pauvreté afin qu'il ne soit pas justement pris par la dunya et qu'il finisse par changer. Non, il y a le Qat également, le Qat, cette herbe qu'il mâche qui est le cancer du pays, parmi les plus grands maux du pays, ce qui amène à la corruption, ce qui amène au manque de salaire dans le travail. Mais toutes ces choses-là touchent à la dunya, elles ne touchent pas à la religion. Les gens, ils aiment la religion ici. C'est une chose qui est apparente, qui est réelle. Les gens sont modestes. Mais les choses qui repoussent les gens, car vous allez voir des gens qui malheureusement ont mis en garde contre le Yémen en disant qu'au Yémen il n'y a rien. Wallah, ces gens-là, les Yémen sont interrogés. Des gens ont voulu venir au Yémen pour apprendre, étudier et appliquer leur religion, et vous, vous leur avez mis des bâtons dans les roues. Qu'ont-ils gagné ces gens-là par la suite? Où ont-ils été? Vers qui se sont-ils dirigés? Que leur avez-vous apporté comme solution? Rien. Ils tournent en rond. Ou alors dans des pays où ils n'apprennent rien du tout. Ou peut-être même des pays dans lesquels ils ont changé par la suite. Alors ils étaient motivés à venir dans un pays où il y avait du concret pour eux. Seulement des gens au cœur malade sont venus et les ont mis en garde contre ce pays. En disant qu'il n'y a rien là-bas. Comme je l'ai dit au Yémen, il y a tout. Celui qui veut la religion, il va tout trouver. Bismillah ta'ala. Mais les autres choses qui sont à côté, une chose un peu effrayante, c'est la dunya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بوبلي الحديث لا قال حجبت الجنة بالمكاريه وحجبت النار بالشهوات. Que le Jannah a été recouvert par les choses déplaisantes et que l'enfer a été recouvert par les choses attirantes. Donc des fois des choses qui te plaisent ne sont pas forcément bonnes pour toi et des choses que tu vois qui te paraissent comme étant repoussantes en réalité peut-être sont un bien pour toi. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَشَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle soit un bien pour vous, tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle soit mal pour vous, et alors c'est là que vous ne savez pas. Aza. Donc c'est ça qu'on a voulu aujourd'hui dire par rapport à cette kalima. نسأل الله ينفع بها القائل والكاتب والسامعين وبيد القدر نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.